Je me couche à l'eau, foncé, style la tête dans les taux. J'ai le flow si à mes taux. Je suis en bas, je rêve d'en haut. À chacun sa méthode, je suis très loin du summum. Je perds le sommeil, ça s'en mêle du sang sous mes semelles. Pour de la con, ça s'embête, donc ils visent la tête. Ils attendent tous ma taille, ils veulent tous que ça pète. Je suis le bêche, je suis le poche, traîne en bas. En la coche, roule mon pêche, roule ma bouche, qui sert comme à la poche. Oh. Demande à LOW qui fout le dégât. Je représente mes vrais mères, tous mes renégats. Ceux qui bicrent pour avoir le salaire à Drogba. Sans sortir, quitter le bitume, se sortir de là. Oh, oh, oh, se sortir de là. Rien n'a changé, je suis toujours le même, j'aime toujours dans le bas. Je compte plus les déboires, les débats, les combats, mon gars. Mon gars va. Je transpire comme du bifle ton monde, je fais la diff, j'en vais des boycottés, tu reconnais la mythe de Panama BX jusqu'en ce suis, je suis al sur l'adapta pour salaire à Nadal. Mais y'a nada, putain sans papa, y'a détail, le seul là, y'a frère, on s'en sortira, on attend pas le miracle, bien trop près du naufrage, comme la paix en Irak, improbable comme la puissance, l'orage. La haine dans l'œsophage, et c'est nous les sauvages. Bande d'enculés, j'vous bêche, fais monter les sauvetages. Une leçon à t'apprendre, bitch, faudrait que t'avales. Ces fils de pute voudraient nous mettre une sonde anale. Oh, se sortir de là. Rien n'a changé, j'suis toujours le même, j'aime toujours en bas. J'compte plus les déboires, les débats, les combats, mon gars. Mon gars va. Sortir de là, rien n'a changé, je suis toujours le même, je traîne toujours en bas. Je compte plus les déboires, les débats, les combats, mon gars va.